avec Coucher de Soleil sur New York. Ce son urbain, groovy, musique d'ascenseur, années 80, ultra narratif, stylé, commercial. Mais, pur génie de l'élégance. C'est le fantastique David Sanborn qui vient de nous quitter le 12 mai dernier. Black Light. Nous sommes en 1975. Et bienvenue dans une nuit des temps qui commence au sax et très très New York. La nuit des temps, Radio Duo. Girl, you know I'm not trying to meet no niggas tonight. You say that every time, and then it's a new nigga in our refrigerator the next morning. They be leaving the seat up and shit. Not tonight, sis. I promise. Be for real. For real. I'm just trying things. You just trying to fuck. I'm just trying things. You're talking too much. We've been in this club for hours. Not long enough. But I know it's hard for me to deny your energy. If I go home with you, what you trying to do? Baby, tell me what to do. Show me how you move. Before I go home with you, show me how you move. I came with my niggas, but I just might leave. You coming through? What you trying to do? looking like a snack. Who knows who you looking to taste? I just went dance, just want it back. Your hips, your lips, you got me so crazy. You know I can't resist you, baby. You know you got me in the haze. Got all these cameras in your face. Girl, you a star, be a Scorsese. We can get down, get crazy. Wanna make you my baby. Yes or no, no, maybe. Baby, if I go home with you, what you tryna do, baby? Tell me what to do. Show me how you move, baby. If I go home with you, show me how you move. I came with my niggas, but I just might leave it you. New York, New York. La house vit sa meilleure vie actuellement dans les clubs de la cité, comme au Bain ou au Nowadays. Et on peut danser avec Brandon Wims et Craig Enfield. Ça, c'est le duo de Muscle Cars. Et c'est notre power play de la semaine. Tonight. We at the crib, alright. It's where we end up when we dip tonight. First, let's hit the dance floor and let's get it right. One last dance to get us in the mood. What were you trying to do? We could dip from this party and end up getting naughty. My hands all on your body. You could call me your Lenny, and you could be my Lisa. Put you on a flight and I could take you to Ibiza. But sell out to the coma so we can eat some pizza. Tonight we just dreaming, but tomorrow we can leave it. Look, look, look, look, look, look, look. New York. Voici Paris. Ce Ce sont des vieux de la vieille des studios français. Ils avaient même fondé un groupe proto Daft Punk en 1977 qui s'appelait Voyage. Marc Chantreau, Pierre-Alain Dahan et André Pezin. Voici Space Drums. Et c'est remixé en 2017. La nuit des temps, l'international de la danse. Thank you. c'est la jonction entre la house, la techno et la trance. Il vient juste de sortir ce single en forme de mantra. I need space to dance. Boulderhead avec Overnight Waltz. Et nous sommes à Bristol en 2024. La nuit des temps, Radio Duo. Okay. All right. To dance. Give me some space. To dance. I need space to dance. Space to dance. I need space to dance. Give me some space to dance. I need space to dance. Ordinary people. voix de velours du grand Robert Owens. C'est l'hymne des gens ordinaires. Ordinary People. Nous sommes en 1996. Et déjà, nous avions besoin d'amour, de paix, de danse. Nous avons besoin de nous. Nous, les gens ordinaires. Et vous savez quoi ? Les gens ordinaires sont parfaitement extraordinaires. Ordinary People. We live together. Et vous êtes en pleine plongée dans les jeudis soirs de Radio Duo. Vous traversez la nuit des temps. C'est l'international de la danse. Et c'est à Saint-Étienne. La nuit des temps, l'international de la danse. De Brooklyn. Muscle Cars en power play cette semaine. Thank you. 22h sur Radio Duo. Hello et goodbye. Mais oui, c'est déjà l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. Une nuit d'étang sous haute influence new-yorkaise ce soir, avec même pour honorer nos invités le sax ténor de David Sanborn. Et justement, c'est bien avec lui que l'on a commencé à se trémousser sur le dance floor. Et dans quelques instants, il y aura un bonus avec Stevie Wonder et toujours le sax de David Sanborn en 1972 avec le sublime album de Stevie Wonder, Talking Book. Stevie, David. Mais avant, nous avons reçu le duo The Muscle Cars avec leur nouvelle production directement rangée au rayon de chef-d'œuvre et donc en power play cette semaine. Il y avait aussi les vieux de la vieille, Marc Chantreau, Pierre-Alain Daran, André Pezin, remixé par Pilouski. On a également reçu Boulderhead et Overnight Watts, qui nous servait de mantra ce soir avec cette phrase répétée à l'infini: I need a space to dance. Direction l'Inde, il y avait Bappi Lahiri et ses synthés. La voix de velours de Robert Owens. La house géniale de G-Lane. Et dans quelques instants, Stevie Wonder donc en bonus, et ensuite The Fillmores. Alors oui, bah oui, eh bien on y est. C'est le moment de regarder le ciel de Saint-Étienne. C'est le moment de regarder les étoiles briller. Des étoiles libres et sauvages. Des étoiles comme Dieu, comme la nuit. I need a space to dance. Pensez à toi, David Sanborn. Buona notte. Salut. heartbreak seem to be unfair, 'cause you say that you found a man. Tuesday breakers, guess you just don't care, 'cause you found you another man. I wanna be with you when you're all alone. I wanna be with you when you feel you got another man. Did you see? Oh, baby, alright. I wanna be with you when the night time comes. I wanna be with you when the daytime comes. I wanna stay a baby, little ditty, baby with you. Tuesday heartbreak seem to be a drag when you know that you love her specially. Catch up, baby. Catch up, baby. Catch up with my dreams.